souvent de lui, celui qui était mon ami. Artiste, peintre, brocanteur, il était aussi quelqu'un d'ailleurs. Il savait parler aux chevaux, à ceux qui aiment les oiseaux. Il était de notre pays, du côté du sud de l'Italie. Il était aussi chanteur, des histoires un peu moqueurs. Il suivait le vent du nord, en allant de port en port. Il n'avait jamais le temps de se dire d'où vient le vent. Il voulait tout simplement partager sa vie. Il écrivait parfois des mots qu'on écoutait à la radio, des mots qu'on ne comprenait pas. Tout faisait glisser entre ses doigts quand il marchait le long des rues, dans les couloirs des pas perdus, sous les boulevards et dans les gares. L'on rentrait comme par hasard. Il était aussi danseur, dans les bars, sur les trottoirs, dans des cabarets le soir. Il était toujours fumeur. Il avait dans son regard le soleil, le vent du sud, le reflet de quelque part. Quand il était là, il était aussi danseur, dans les bars, sur les trottoirs, dans des cabarets le soir. Il était toujours fumeur. Il avait dans son regard le soleil, le vent du sud, le reflet de quelque part. Quand il était là, tu me parlais souvent de lui,